Laissez croire que j'hiberne, rebeu et noir mais solidaire. Laissez boire du cid l'hiver, j'suis Géchard comme un utilitaire. Y'a de la tôle, y'a de la hesse, sans sortir, briller. Y'a de la go, y'a de la liasse, pour sortir, briller. Épiné, c'est ma terre, trophée pour ma mère. J'suis trop frais, ce qui t'éblouit, ce qui te fait jouir, c'est ma paire. Vrai rebeu, vrai dégradé, j'suis heureux, j'vais t'éclater. Vente la bœuf, crachureux, c'est la guerre déclarée. Des principes, on n'a pas les mêmes, traîneau VIP, on pas les M. Ton équipe, sans le falche, sans la Chine, sans les nems, la coca, la peufra, t'es KO, t'es piqué. La vodka, le keja et ta go nous a pipé. Oud, oud, oud, on court après le luxe, la routine après les billets. T'as beau faire de la lutte, la frappe à te plier. Je rassure ta mamute, faire la guise dans tes filets. J'ai traîné dans mon oud, oud, oud, crier dans mon oud, oud, oud. J'ai traîné dans mon oud, oud. Les plus connus, c'est les plus claqués. Poussez-vous, ça va se taper. J'ai le flow, j'ai la rue, je vous tue, je la boue. Et flex, t'as peu la constater. À l'école, c'était pas ça. À l'époque, j'étais pas sage. Si la S la prend, vous matraque en R1 pour un braquage. Réussir sans mentir, t'inquiète, on peut le faire sans. Dans ma rue, ça tire, y'a plus de terrain que de commerçants. Dans mon hood, c'est Bogota. On crame tout, merci total. Les poucaves sont plutôt pâles. On te bouillave, on te fait ton pas. Apparemment, t'es si chaud. T'écartes les jambes comme un ciseau. Tu veux un fils, mais t'es ciseau. Je vais trop caler comme un physio. Tu pues la merde, t'as le cul à l'air. Tu parles de hood, mytho. Père de famille, vrai ancli. Tu te fais viscère par un minot. Hood, hood, hood. On court après le luxe. La routine après les billets. T'as beau faire de la lutte. La frappe à te plier. Je rassure ça m'amuse, faire la tisse dans tes stylos. J'aime traîner dans mon oud, oud, oud. Crier dans mon oud, oud, oud. J'aime traîner dans mon oud, oud, oud. Crier dans mon oud, oud, oud. Tu fais des pompes, t'es balèze. En tête à tête, t'es à l'aise. Mais t'as que tes poings, seul dans un coin. Calage, couche à la baleine. Le oud c'est chaud, on veut s'échapper. Tu touches du bois, je touche un chalet. La vie te braque, tu portes plainte. La nuit le crack, porte la chapelle. Teste-moi, je suis gavé. Je veux que tout ça cesse comme un camé. J'ai plus d'inceste pour te caner. Je suis plus vif que ton carré. La richesse veut pas faire signe. Pas de Lamborghini ici. Vieille caisse, c'est la hesse. Clio 2, mais aussi. La beurette va te lâcher. Comme t'as plus d'oseille. Ton Merco est loué. Ton Louis Vuitton fête Noël. Voilà que c'est la même année. Je vais te crocheter comme Stanley. Faites du business, vendez de la cesse. Mais arrêtez de stagner. Oud, oud, oud. On court après le luxe. La routine après les billets. T'as beau faire de la lutte. La frappe va te plier. Je rassure ça m'amuse. Faire la guise, ça fait stylé. J'aime traîner dans mon oud, oud, oud. Crier dans mon oud.